Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Thank you.

Platina. Ouro e Platina. I know you miss me. I know you miss me, but I know you miss me. And words for violence, we make up. Ouro e Platina. We'll be right back. ce toit, ça aurait dû être mieux. C'est le choix que j'ai fait, c'est la fête que tu choisis, c'est ton désintérêt. Chanson ringarde, la porte que tu fermes, c'est moi et c'est toi, et ça aurait dû être mieux. I'm not. never know. Oh, oh, oh.